2 double 03. Y'a longtemps que t'avais pas vu quelque chose comme ça. 1 de MLIA. C'est le premier coup de feu, le premier à être entendu dans le milieu du spectacle urbain, community. Y'a longtemps que t'avais pas vu du calibre. Sur le point, entraîné pour blesser sans laisser trace. Seulement qu'une seule bec creusée dans ta face, hélas. C'est pour des petits spots, juste en personnel. Personnellement, je préfère prévenir que subir. Quant à laquelle j'ai belle, sur personnalisé de ma liée, on sait que c'est telle qu'elle. On laisse les séquelles au cerveau, mais je suis content comme Rambo de Kinzo. Ben, juste dans les temps du tempo. Vous voici au port d'un bord intensif, agressif, avec deux maniaques répressifs. Personne du positif ou négatif, ça se rend compte que ça kiffe. On file à travers les coups de drum, on long drum. Comme un dog qui résonne, crie. Dans un cri de guerre, comme l'armée qui m'attend. J'entends les temps de la révolte, on entend les coups de notre école. 2-0-3. Y'a longtemps que t'avais pas vu quelque chose comme ça qui arrache d'un dehors. 2-0-3. Compact, ça frappe, t'expliquer on scratch. Scratch comme un ombre des bords. 2-0-3. Référendum, une nouvelle menace. Séparation du rap de gaz. 2-0-3. Summum d'une nouvelle race à la pochée. Le rap tenace. C'est là qu'on sort des fusils, un chou méritier. Et pour finir, si t'es en vie, genre la baïonnette et c'est l'histoire de notre ennemi suni. 2003, l'année de la conquête de MC. La nouvelle école, trop qu'il pourrait être vu comme parabole. Assez mature pour être entendu comme la prière des nobles. On brise le silence sans parole, vrai des prêcheurs, un lyrique des symboles. C'est pas une secte, même si on dit sa tête qu'on s'entend à faire partie d'une société secrète. On soit l'enfant Moïse, et qu'on soit les prophètes, et qu'on construit notre église. Première avenue à Québec, et qu'on se le tienne pour dix casse. La scène, la poussière lève quand on agit, on vit sa vie. Et pourquoi donc à ton avis, trop de visages et de tranchants qui souvent mènent une double vie. Comme le 03, on sent un manuscrit. On met à terme tous nos écrits. La symphonie qu'on vous prescrit. Sous médication, effet secondaire sans préavis. 2-0-3. Que longtemps t'avais pas vu quelque chose comme ça qui arrache d'un dehors. 2-0-3. Comprends que ça frappe, t'expliquer un scratch. Scratch comme un lourd débord. 2-0-3. Référendum, une nouvelle menace. Séparation du rap de gaz. 2-0-3. Summum d'une nouvelle race à la pochée. Le rap de glace. Attirant l'œil de ceux qui comptent le son se sent dérangé. Qui compte ce son se sent obstrué, étranglé. À bout de souffle par la femelle, ne pas pouvoir répliquer. Impliqué au centre des histoires de nos quartiers. Pas quartier, le point militaire à l'avant comme soldat pour guerroyer. En mission pour changer la pensée de l'état géré. Nouvelle conception, et you know, signé de Mallier. On a pris les échelles plus vite que pompier. Au lieu d'éteindre le feu, on l'attise. Sans soucier, examen le feu. Pour les doutes explosent comme un coup de foule du haut. Une névrosée qui pète sa coche à la place publique. On laisse les marques comme une cicatrice que tout le monde remarque. On se démarque en appliquant une nouvelle façon de rapper. Encore une fois, on le répète. Nouvelle constitution signée de Mallier. De Mallier. 2-0-3. Que longtemps que t'avais pas vu quelque chose comme ça qui arrache d'un dehors. 2-0-3. Comprends que ça frappe, t'expliquer un scratch. Scratch comme un lourd débord. 2-0-3. Référendum, une nouvelle menace. Séparation du rap de gaz. 2-0-3. Somme d'une nouvelle race à la pochée.